Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. C'est la fin de semaine. En fin de semaine, c'est la conclusion de la saison en vélo de montagne au Mont-Saint-Anne. Et Victor Véraud a récolté la deuxième position dans la catégorie maître expert et a terminé en tout et partout en deuxième position dans sa catégorie. Évidemment, c'est pour la saison. Dans la catégorie senior pour la compétition en fin de semaine au Mont-Saint-Anne, notons la sixième position de Anthony Bergeron. Et toujours dans la catégorie maître expert, Frédéric Bergeron de Chibougamau a terminé au septième rang. En fin de semaine également se déroulait au club de golf de Dolbeau-Missassini le championnat du club de golf. Il y avait plusieurs golfeurs qui ont participé à cette magnifique fin de semaine pour participer à l'événement. Dans la classe A, Jacques Besson a terminé en première position. Dominique Girard a pris le deuxième rang. Dans la catégorie B, 2B, Denis Huard a été le meilleur. Marcel Bussière a terminé en deuxième place. En catégorie B, André Chiasson a été le vainqueur. En catégorie senior, victoire de Paul-André Tremblay. Et chez les femmes, en classe A, Ruth Bouchard a remporté la victoire. En classe 2B, un gain de Joanne Boissonneau. Et dans la classe B, Carmen Gauthier a terminé en première position. Maintenant, on va parler que l'inscription du club de patinage artistique Les Perles Bleues aura lieu le 8 septembre à l'aréna du secteur de Dolbeau-Missassini de 18h30 à 20h30. Les cours se tiendront deux fois par semaine. Et maintenant, les Saguenay de Chicoutimi ont appris une mauvaise nouvelle, c'est que l'attaquant Nicolas Gay a décidé de quitter l'équipe pour aller jouer en Autriche. Nicolas Gay a expliqué sa décision parce qu'il aimerait développer davantage du côté de son attaque. Et je termine avec l'inscription du club de patinage artistique Les Perles Bleues. Ben, ça aura lieu jeudi le 8 septembre à l'aréna du secteur de Dolbeau entre 18h30 et 20h30. Les cours se tiendront deux fois par semaine. Le sport local et régional, à radiosport.com. On s'en occupe.